Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois, pour m'accompagner cette semaine, le journaliste automobile numéro 1 sur ce podcast, mon ami, mon collègue, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Je me demandais où tu t'en allais. Ouais. Tu m'as un petit peu fait peur. Ouais, ben là, j'allais dire Canada, ben, c'est grand le Canada. Québec, c'est grand le Québec aussi. Mais t'es sûr et certain que sur ce podcast, tu seras toujours le numéro un. Pas toujours, faut-il le préciser, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Pour le moment, c'est le cas parce que toi, tu fais pas ça à temps complet. Fait que... Non, c'est ça. Puis je ne serai jamais numéro un, même si je faisais ça à temps complet, franchement. Là. C'est toi, le doyen et le cœur de cette émission. Ah non, ça, c'est pas vrai, par exemple. L'émission, c'est toi. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. C'est ma faute, mais à culpa. J'étais dans des conditions où je ne pouvais pas faire l'émission, malheureusement. Donc, on a sauté une semaine. C'est pas... On s'en excuse. C'est pas dans nos habitudes, mais là, j'étais à l'essai de la Hyundai Accent et on avait vraiment un drôle d'horaire. Puis j'ai vraiment pas eu le temps de faire ce que je devais faire. Alors, je suis désolé. Non, ça arrive. Il faut le dire aux gens, là. T'sais, on fait ça parce qu'on aime ça. Il n'y a aucun entrée d'argent pour ce podcast-là. On fait ça sur notre temps. Fait que ça va arriver, malheureusement, des semaines où on pourra pas avoir un horaire qui vont concorder. Moi, j'ai une job de 40 heures semaine. Marc est sur la route. Des fois, le soir, il peut pas. Il y a des événements. On a une vie aussi. Donc, c'est ça, on a une famille aussi. Là. C'est ça. Donc, malheureusement, là, quand il n'y a pas d'émission, c'est pas parce que ça nous tente qu'il n'y ait pas d'émission. C'est parce que vraiment... On s'est cédulé peut-être 2-3 soirs, puis ça n'a pas fonctionné. Ou tu sais, des fois, normalement, on enregistre le vendredi matin, je vous le dis, mais je travaille pas toujours dans des conditions où je peux enregistrer le vendredi matin. Donc, des fois, c'est le soir de semaine. Et les soirs de semaine, ben, tu sais, Marc s'en va à un événement, n'a pas sa chambre à l'heure prévue. Donc, l'heure d'enregistrement passe. Et à un moment donné, ben, tu sais, on a d'autres choses à faire dans la soirée. Les lunchs et se préparer pour le lendemain, hein, avec une famille et tout ça. Donc, des fois, ça fait juste pas arriver. Mais c'est jamais volontaire. Là. C'est pas, cette semaine, ça me tente pas, Marc, on fait pas de show. C'est vraiment jamais ça. Non, là. Non. C'est vraiment comme les conditions sont pas bonnes pour qu'on puisse enregistrer ensemble. Mais bon, on va arriver que ça arrive le moins souvent possible. Mais ça va arriver. Donc, si vous voulez savoir là, normalement d'avance, ben abonnez-vous à notre page Facebook. Puis normalement, je vais mettre un message le matin, le vendredi matin, ben il n'y aura pas d'émission cette semaine. Parce que j'attends vraiment la dernière minute. Là. Si on ne peut pas enregistrer le vendredi matin, ben il n'y aura pas d'émission cette semaine-là. Donc, j'attends la dernière minute pour avertir les gens. Il y a toujours un petit espoir des fois qu'il pourrait se passer quelque chose. T'sais. On essaie de s'organiser, on fait ce qu'on peut. C'est des choses qui arrivent, mon cher. Exactement. Donc, Marc, on a plusieurs sujets cette semaine. Tu vas nous parler du Honda Odyssey que tu conduis cette semaine. Moi, je vais vous parler de mon essai de la Subaru Legacy 2018. Ça faisait drôle de conduire l'auto de mon père, parce que mon père a une Subaru Legacy 2016. Donc, ça faisait vraiment drôle d'être comme au volant de la voiture que mon père conduit tous les jours. Nouvelle version, par exemple. Puis, on a d'autres sujets. Là, tu vas nous parler justement de ton essai de la nouvelle Hyundai Accent. On a un bloc nouvelle pour terminer l'émission. Tu veux aussi nous parler de quelque chose sur ton ami, M. Bertrand Godin. Oui, parce que ce podcast-là est diffusé le vendredi 17 novembre. Mm-hmm. C'est la fête à Bertrand. Ah. C'est l'anniversaire de Bertrand Godin. Et j'aurais voulu l'avoir en entrevue parce qu'il vient de publier son livre et tout et tout. Je sais que tu étais là à son lancement. Ça ne s'est pas exactement déroulé comme tu le pensais. Oui, on pourrait dire ça, oui. Ouais, c'est ça. Non, j'essaie d'être poli là. Alors, simplement pour vous dire que oui, on va avoir Bertrand Godin en entrevue quelque part. Je voulais on va en profiter pour lui souhaiter bonne fête là. Il vieillit lui aussi. Ça me fait plaisir de le savoir que je suis pas le seul. Tu sais ça. Juste vous dire qu'effectivement, on va essayer d'avoir Bertrand Godin. Il est au Salon du Livre en fin de semaine. Allez le rencontrer. C'est quand même en général un gars sympathique. Donc, je vous invite à le faire. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il a effectivement sorti un livre. Et c'est un livre de sa biographie, de sa carrière en course. C'est-à-dire que ça s'arrête en 1997, au moment où il n'avait plus vraiment de volant à temps complet. Je suis en train de lire le livre, c'est fort bien fait. C'est écrit par Charles-André Marchand, qui a vraiment une belle plume. Honnêtement, ça vaut quand même la peine. Donc, on en reparlera au cours des prochains jours, mais je tenais à en parler parce que je sais qu'en fin de semaine, c'est le Salon du Livre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rendre au Salon. Allez-y, ça vaut la peine. Et allez voir Bertrand, il va être sur place aussi. Mais surtout Charles-André, c'est un journaliste accompli. Là. Ça fait un bout de temps que je l'entends en radio et tout ça. Là. Donc, c'est un ça fait des années. C'est un auteur aussi là, qui va publier, si ce n'est fait, c'est une question de jour, il va publier aussi son premier roman. Donc, tu sais, c'est un gars qui est bon. C'est pas, comme tu dis, c'est pas un nouveau venu dans le monde de la littérature et dans le monde du journalisme. Alors, c'est intéressant, mais je voulais vous en parler un peu parce que c'est le salon du livre et parce qu'on est dans la période des livres. Alors, allez voir ça. C'est quand même un livre intéressant si vous vous intéressez au sport motorisé et à quelqu'un qui, il faut le reconnaître, a fait une carrière avec absolument rien d'autre que son talent. Parce qu'il est arrivé en Europe avec 800 piastres dans ses poches. Et c'est là qu'il a réussi à faire sa marque. Alors, je pense que ça vaut quand même la lecture, même si on aurait aimé avoir une entrevue cette semaine à son lancement, mais que malheureusement, ça ne s'est pas exactement déroulé comme on le croyait. Exactement. Aussi, exactement. Tu veux nous parler, tu as fait une entrevue avec Andrew Ranger. Oui. Ça, je vais t'expliquer qu'on va parler beaucoup de pneus d'hiver cet hiver. Et je m'explique. J'ai l'occasion de tester à l'occasion quelques pneus. Cet hiver, je vais en tester deux modèles. Les Canadian Tire ont développé des pneus qui s'appellent les Winter Edge, des pneus développés au Québec, pour le Québec. Et donc, je les ai installés sur une voiture et je vais pouvoir les essayer. Je vais aussi tester des Nokian Air, les Acapelita R2, qui sont des pneus donc qui ne sont pas à clous, bien entendu, mais qui sont quand même des pneus de très bonne qualité que je vais aussi mettre à l'épreuve. Donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler au cours des prochaines semaines. OK. Je vais m'écouter très, très attentivement parce que je me suis dit par mon garagiste que mes pneus d'hiver sur ma Leaf étaient vraiment sur leur dernier mille. Donc, moi, à l'automne prochain, ça va me prendre des pneus neufs. Donc, je vais t'écouter voir. Alors, tout au long de la saison hivernale, je vais pouvoir vous faire des rapports des pneus que je vais essayer parce que je les ai puis ils sont sur des autos que je conduis régulièrement. C'est bon. Ceci étant dit, c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. Et l'an passé, j'avais eu l'occasion d'aller tester des pneus. BF Goodrich, les Winter KSI. C'est des pneus qui sont pas des pneus haut de gamme, qui sont des pneus corrects, là, qui sont des pneus de bonne qualité, qui font bien le travail et que nous, on avait testé dans la région d'Ottawa, entre autres au musée de l'aviation. Bon, il y a une espèce de piste d'aéroport et c'est là qu'on a testé les pneus. Bon, j'ai eu l'occasion, on en avait déjà parlé, c'est correct. Et cette année, BF Goodrich a décidé de pousser ces pneus-là en engageant Andrew Ranger, un pilote connu, un gars qui m'a déjà fait peur un peu en me conduisant sur une piste à Michaelis avec une Focus RS, je peux dire qu'il sait comment ça se conduit. Donc, c'est lui qui, cette année, est le porte-parole des pneus BF Goodrich Winter KSI. Et j'ai eu envie de savoir pourquoi il le faisait. Et vous allez voir dans la courte entrevue, qui est assez familière, là, parce que je connais bien Andrew, dans la courte entrevue, il nous explique pourquoi il a choisi de s'associer à ces pneus-là et vous allez comprendre un peu plus. Donc, on vous laisse à cette petite entrevue. C'est bon. Donc, on écoute ça puis on revient après ça avec nos essais de la semaine. Écoute, ben justement, c'est la période des pneus d'hiver. On en est là. C'est quoi les pneus que BF nous propose? C'est les KSI Winter? Exactement, ben oui, c'est ça, c'est les pneus dans le fond que j'ai déjà essayé au passé, mais pas au passé, présentement, et puis c'est un pneu qui a été conçu pour le Canada, c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'ils ont vraiment conçu un pneu pour ici, les températures du Canada, du Québec, et puis, tu sais, comme moi, dans le fond, l'hiver, mais on a la slush, on a toutes les températures, on peut tomber de plus 2 à moins 30 quasiment, ouais. Et puis c'est vraiment un pneu là pour dire que moi j'ai adoré, parce que côté contrôle, côté stabilité, puis en plus, la traction de ces pneus-là, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment frappé. Quand tu dis qu'ils ont été développés pour le Canada, bon oui, ok, c'est la température, on s'entend, ça je comprends ça, mais qu'est-ce qu'on a fait pour modifier ces pneus-là, pour les rendre plus canadiens only, je te dirais? Ben, c'est que, tu sais, dans le fond, les ingénieurs chez BF Goodrich, fallait qu'ils se cassent la tête un petit peu, parce que, tu sais comme moi, dans le fond, au Québec puis au Canada, mais on a vraiment une température qui joue beaucoup, et puis on peut avoir de la belle neige à l'humidité à côté, fait que la neige, elle vient vraiment à 30, et puis après ça, la glace, qui ont voulu qu'ils changent vraiment le crampon complet, et puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de vraiment se concentrer aussi au Québec, au Canada, pour faire ce pneu-là. OK. La gomme elle-même. Oui. Bon, là, de ce temps-là, le grand défi de tous les fabricants de pneus, c'est justement d'avoir une gomme qui est à la fois résistante, capable de fonctionner, justement, comme tu dis, sur différentes températures, mais en même temps, qui ne s'usera pas trop vite. Ben, c'est ça, puis dans le fond, ils l'ont pour de vrai, BF Goodrich. C'est pour ça que moi, je me suis associé avec eux autres. J'adore ce pneu-là parce que c'est pas juste un bon pneu qui va durer un hiver ou deux. C'est vraiment un pneu qui va être capable de durer longtemps. Au-dessus de 60 000 km de capacité. Fait que la moyenne des gens, là, pour de vrai, ils font 10 000 km par hiver. Fait que c'est un pneu qui va être bon, qui va être stable, avoir une bonne traction. Mais en plus de ça, que tu vas être capable de les avoir pour les 6 prochaines années. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai acheté ces pneus-là depuis longtemps. Je les adore et puis c'est ça que je conseille au monde. Quand on regarde, parce que, bon, la composante du pneu, entre autres, je sais que dans beaucoup de pneus, maintenant, on met de la silice. Oui. La silice a la propriété de permettre de répartir la température. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Est-ce que ça améliore aussi l'adhérence? Ben, dans le fond, le silice, comme tu dis, oui, il y en a là-dedans. Haute densité, puis c'est vraiment un pneu qui ont changé les un peu, comment je peux dire ça, les gros, si tu vas à l'intérieur du pneu. Ouais. C'est vraiment l'attraction, là, quand que je l'ai essayé, ce pneu-là, comparé à ses compétiteurs, c'est vraiment l'accélération, le point de freinage, que oui, c'est vrai, les compétiteurs ils forment un peu, mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est quand que je virais dans les virages, je sentais l'attraction. Je sentais que si je voulais aller à gauche, en grosse neige, j'étais capable d'y aller. Fait que c'est pour ça que j'ai adoré ce pneu. Okay. Moi, j'ai essayé ce pneu-là l'hiver passé. On nous avait amené à Ottawa pour le tester. OK. C'est un pneu qui, bon, moi, que moi, j'ai trouvé un peu bruyant. Mais évidemment, c'était dans des conditions particulières. Là. Okay. Il se situe comment? Parce que c'est un des éléments, en fait, c'est le principal élément que les gens remarquent. Souvent, l'adhérence, c'est quand tu roules en ville, tu t'en rends sur compte, oui. Là. Mais oui. Le bruit de roulement, tu t'en rends beaucoup compte. C'est un facteur déterminant dans l'achat. Il se situe comment par rapport aux autres? Ben écoute, moi ce pneu-là, peut-être qu'il est plus bruyant, oui ou non, à comparer de ses compétiteurs, mais c'est sûr que tu peux pas tout avoir dans la vie, mais je pense que ce pneu-là, pour moi, je l'ai adoré. Oui, il fait un peu plus de son peut-être, mais c'est pas une grosse affaire. Moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est un pneu qui est durable, c'est un pneu qui est bon, c'est un pneu qui a une traction incroyable. Le design du pneu aussi est agressif, plus agressif que les compétiteurs, parce que qu'est-ce que moi j'ai aimé. Ben, qu'il fasse plus de bruit ou non, c'est pas quoi que moi qui m'a vraiment dérangé. OK. Et une dernière petite question. Normalement, BF Goodrich, on le sait, c'est une compagnie qui est tournée vers la performance. Oui. On le sait, bon, en course, ils ont été très présents. Leur présence dans le monde du pneu d'hiver est un peu, me semble, ça va un peu à l'envers de la mission qu'ils se sont donnée. OK. Ben, écoute, moi, là-dessus, c'est un pneu, comme tu dis, ils ont toujours été dans la course. Et puis, qu'est-ce que j'aime, là, c'est que, comme je t'ai dit tantôt, quand tu décides de virer à gauche, à droite, qu'il y ait la grosse neige, qu'il y ait de la slush, la pluie, la glace, mais moi, j'étais capable de le faire pour avoir beaucoup de plaisir avec ce pneu-là. Moi, c'est sûr que là, c'est d'un autre pneu que je vais parler, mais un pneu qui est sur mon canot, par exemple, le Old Terrain, Bell Bridge, ouais. Ben, c'est un pneu que moi, j'ai adoré parce que dans la grosse neige, quand je monte à mon chalet, ben, j'étais capable de m'amuser, un peu slider, tu sais, je sais qu'on n'a peut-être pas le droit de le faire au Québec, mais écoute, moi, j'ai tellement de fun avec ce pneu-là, ben, c'est pour ça que je dis au monde, toutes mes chums, ils en ont, puis je dis au monde de vraiment de le prendre. OK, pas de problème. En termes de prix, il se situe où, à peu près? Ben, il est pas mal dans la moyenne, mais écoute, je pourrais te dire une affaire, c'est que payer peut-être, mettons, un 100$ ou un 200$ de plus sur un pneu d'hiver, moi, là-dessus, je me casserais même pas la tête, parce que t'as la conscience tranquille. Quand tu sors l'hiver, il y a de la neige, mais tu sais que tu pars avec ça, puis t'es capable d'aller où que tu veux. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'il y a des pneus qui vont être moins chers, peut-être qu'il va y avoir des pneus qui vont être plus chers, mais sur le BF Goodrich, je le conseille à tout le monde. Et puis si, mettons, dépenser de l'argent un peu plus pour ça, mais j'y reste sans aucun doute. Bon, mais parfait, mon cher. Fait que tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Yes, mais écoute, pour de vrai, moi, sur mon camion, j'en ai, hey, ça fait longtemps que je vois ces pneus-là, puis écoute, moi, j'ai trippé avec ça, je monte à mon chalet l'hiver, quasiment toutes les fins de semaine, dans le coin de Chicoutimi, et Mont-Valin, et puis Dieu sait que quand tu passes le parc, t'es à toutes les températures. Oui, mettons. Oui, mettons, j'ai aimé là-dessus, puis c'est un pneu qui est durable, fait que c'est ça que j'ai aimé, c'est un pneu que j'ai acheté, que je l'utilise, ça fait déjà 4 ans que j'ai ces pneus-là, ils sont encore bons, là. Fait que, tu sais, c'est ça que j'adore. OK, moi, comme je te dis, je les ai essayés l'année passée, là, ils nous avaient fait un événement à Ottawa sur un ancien aéroport, là, mais tu sais, c'était... Oui. C'est qu'ils l'ont comparé à deux, trois autres, Yokohama et tout ça, mais... Oui. Mais comment je pourrais dire, chacun des pneus était testé dans des conditions différentes, tu sais. Mettons, le Yokohama était sur la glace, un autre était sur une autre surface. Fait que, tu sais, c'était dur de vraiment positionner le cas ici. Il aurait fallu qu'ils mettent peut-être les trois ensemble sur la même plateforme, mettons, la c'est même ça. Piste, tout ça. Exactement. Mais je te dis qu'il n'y a pas une grosse différence. Puis s'il y en a plus, Pierre, pour le reste, peut-être que tu as raison, mais moi, dans mon cas, j'ai pas vu une grosse différence de ce côté-là. Bon, ben parfait. Ben, merci beaucoup, mon cher. Fait que, merci beaucoup. Puis, on va sûrement se revoir bientôt. On s'est vu une couple de fois. Mais écoute, je vais sûrement faire des événements d'hiver encore pour les compagnies. Là, fait que on va se revoir, j'imagine. De toute façon, faut que je me décide. Là. Écoute, moi, je reste à Saint-Hyacinthe. Hein? OK. Puis, ça fait deux ans que je dis à Kevin Bocage qu'il faut que j'aille faire ton académie juste pour faire un topo, faire un reportage. Puis j'y vais parce que je prends pas le temps. Mais là, l'été prochain, je vais le faire. Parce qu'on a une émission de télé, là. Ça roule à Cogeco. Puis je vais aller faire un topo là-dessus. Puis je prends jamais le temps de le faire. Fait que là, l'été prochain, je vais le faire. Ben, moi, pour de vrai, l'académie, c'est vraiment le fun. Si tu veux venir, ça va faire plaisir de te recevoir. Puis si tu veux conduire, tant mieux. Si tu veux pas, ben moi, je vais te donner une ride. Si tu veux, ou même les deux. Fait qu'il y a vraiment pas de problème avec ça. Penses-tu vraiment m'en priver de conduire, là? Sérieux? Ouais. Ben, c'est vraiment bien fait. Si tu veux venir à l'académie, là, je te dis, là, t'on fournit saut de carte. On te donne un cours de base, comment ça marche. Puis tu sais, c'est trippant, là. Ouais. C'est vraiment une belle journée. Mais vous faites encore ça à sa mère? On est basé à Sanaire, exactement. On a vraiment des garages. On est rendu 14 voitures NASCAR. On est rendu aussi sur location. On est rendu avec 4 T-Rex. On est rendu avec une Lamborghini. On est rendu avec une Nissan GT-R qu'on met sur le forfait Rally. Je parle de Sanaire qui monte à Magog ou Sherbrooke ou les alentours de Beaumont. Là. Fait que c'est vraiment de cool. Là. C'est vraiment un beau programme. Ben écoute, je vais te revenir là-dessus l'année prochaine, c'est sûr, mon cher. Ben, c'est cool. OK, merci, Andrew. Ben, merci beaucoup. Okay, bye bye. Bye bye. Donc, nous sommes de retour et après cette magnifique entrevue avec Andrew Ranger, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Marc, tu vas nous parler du Honda Odyssey. Hey, j'ai un problème, Luc. OK. Je pense que je commence à aimer conduire les mini fourgonnettes. Ouais, t'avais aimé la Pacifica. Ben, moi aussi, j'avoue que la Pacifica, j'avais beaucoup aimé. Je suis pas du genre à aimer les caravanes nécessairement. Mais dans ce cas-là, j'avais été impressionné. Est-ce que tu essaies de me dire que la Honda Odyssey est aussi bonne que la Pacifica? Pas loin, en fait. Okay. Pour être tout à fait franc, j'ai beaucoup aimé la Honda Odyssey. Je l'aime encore parce que je l'ai encore avec moi. C'est une voiture qu'on a complètement remaniée cette année. Vraiment, on a fait... Tu sais, Honda était arrivée avec une Odyssey qui était... correct dans les anciennes générations, mais la nouvelle, vraiment, elle a été complètement refaite, tant du point de vue esthétique que du point de vue, pas mécanique, parce que mécanique, c'est quand même un moteur qu'on connaît, mais c'est vraiment un véhicule qu'on a complètement remanié, et c'est un véhicule, comment je pourrais dire, on a mis tellement d'affaires dedans, en tout cas dans la version que moi j'ai, dans la Touring, là, qu'on a l'impression d'être, mon Dieu, littéralement là, dans une voiture de luxe. Okay. Et je m'explique. Bon, écoute, au point de vue de la puissance, on parle de 280 chevaux, 262 livres-pieds de couple, un V6 de 3.5, c'est avec désactivation des cylindres quand on est en mode autoroute, boîte automatique 10 rapports, ça va bien, ça marche bien, c'est souple en masse comme accélération, tu ne ressens pas les changements de vitesse, c'est vraiment d'une grande transparence. La motorisation, il n'y a absolument rien à dire. Évidemment, on s'entend pour dire que c'est pas une voiture de course. C'est pas non plus la plus puissante de toutes les minivans, mais c'est quand même amplement suffisant. Et on a même pensé mettre un mode sport sur la voiture et un mode éco. Tu auras compris que le mode éco ralentit un peu tes ardeurs. Ouais, le mode sport les augmente un peu. Ouais, c'est à peu près ça dans tous les véhicules. Quand on met ça en mode éco, il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu moins. Que ça ait un petit peu moins de pep. Mais bon, exactement. Ça reste une minivan. Le PEP, c'est pas nécessairement ce qu'on s'attend à avoir quand on achète ce genre de véhicule. On veut plus l'espace et le confort et tout ça. Effectivement. Et de ce point de vue-là, ben, c'est tout à fait réussi. Tu sais, ça demeure une minivan, une grosse minivan. Donc, on peut avoir la deuxième rangée, dans mon cas, c'est des sièges capitaine, tu sais, qui sont vraiment confortables et on peut les écarter l'un de l'autre. Parce que tu sais, quand tu as deux enfants assis en arrière, ça se peut qu'ils chicanent. Ouais. Et bon, tu peux écarter un peu les sièges, fait que ça laisse un peu de place et ça laisse d'espace entre les deux sièges. Il y a des affaires dans la série des technologies qui m'ont bien fait rire. Le Cabin Watch, par exemple. Okay. Ça, c'est particulier. C'est une caméra infrarouge qui est localisée juste au-dessus de la deuxième rangée et qui te permet, à cause de l'écran du système de divertissement que tu as d'en avant, tu vas voir ce qui se passe en arrière. OK. Donc, tu vas pouvoir consulter ce que tes enfants font en arrière, puis s'ils sont en train de chicaner ou pas. S'ils te font des grimaces à la cachette, des choses comme ça, tu Exactement. Peux le voir. C'est comme avoir des yeux en arrière de la tête, finalement. Totalement. Et c'est une caméra infrarouge, donc même quand bébé fait dodo et que c'est la nuit, ben tu vas le voir pareil. Okay. Je trouve ça pratique justement pour un bébé comme ça, où ce que des fois, tu veux voir, tu veux pas nécessairement le déranger, tu veux sûrement pas te tourner la tête puis regarder en arrière sans regarder en avant. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est une première, il me semble, j'ai pas vu ça sur d'autres véhicules. Je pense que ça a déjà été offert, mais j'avoue que moi non plus, j'avais jamais vraiment vu ça, et surtout avec une infrarouge. Permet de voir jusque dans le noir, donc pour moi, là, ça c'est une nouveauté. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas tout le Cabin Watch. T'as aussi le Cabin Talk. Okay. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement drôle, parce que il y a un microphone en avant, et tu peux t'adresser au passager arrière en appuyant dessus. Bon, le pilote d'avion en nous va pouvoir se laisser aller. Exactement, mais tu vas me dire, on n'a rien qu'à se retourner pas parler, ouais. Ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a même une option écouteur. Parce qu'on est bien conscient, il y a un système de divertissement derrière avec un grand écran au plafond, tu sais, tout le monde l'écoute. Alors, les jeunes ou les moins jeunes qui sont en arrière ont les écouteurs sans fil sur la tête, écoutent leur film, n'ont pas nécessairement envie de t'entendre parler en avant. Ouais. Mais quand tu utilises cette fonction-là, tu peux passer par-dessus le son du film et c'est ton message qui va être dans leurs écouteurs. Ah, tu peux faire du voice-over, tu peux changer les paroles du film pour... tes propres Exactement. Paroles. Ben ouais. Exactement. Je ne suis pas convaincu que les enfants vont aimer ça, ouais. Mais quand même. Ouais. C'est vraiment super agréable. Moi, je trouve ça très drôle et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Il y a plein de technologies, évidemment, à bord. Bien sûr, la connexion au système 4G, ce qui est devenu la mode là, dans à peu près tous les véhicules. Oui. Ouais. Ils ont copié un peu ce que Pacifica a fait avec un système GPS qui dit combien de temps il reste avant d'arriver à destination. Ouais, le fameux où est-ce qu'on est rendu là? On est-tu arrivé? Ouais, okay, ouais. Exactement. Là, ouais. Ça s'appelle Are We There Yet en anglais, mais chez Chrysler. Ouais. Mais je n'en sais pas plus pour Honda, mais ça fait partie du même genre de système. Et tout le système de divertissement à bord, en fait, est inspiré d'un téléphone intelligent. Quand tu regardes l'écran, c'est vraiment, ça s'agrandit, ça se manipule comme un écran tactile. Tu as vraiment l'impression d'être sur un iPhone ou quelque chose du genre, là, et de fond. Fait que c'est sûr que, bon, ça va bien. Ce qui me dérange là-dedans, c'est la transmission. Ces espèces de boutons, là, au lieu d'être un levier, ce sont des boutons qui choisissent les modes, fonctions, là. Est-ce que ouais, c'est, modes, là, est-ce que c'est sur la console centrale ou c'est comme sur le tableau de bord? C'est pas comme chez Lincoln, là, où c'est sur le tableau de bord, c'est vraiment dans la console centrale. Non, c'est pas dans la console centrale, c'est vraiment sur le tableau de bord en avant, là. OK, un peu comme Lincoln le fait. En dessous du système d'infodivertissement. OK, ouais. Alors ça me gosse un peu, mais bon, écoute, c'est pas si pire. Pour le reste, ben écoute, c'est une minivan, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec les portières électriques et tout. Ça se conduit très bien, il faut le dire. Okay. Honnêtement, t'as pas la sensation d'être dans une minivan. C'est quand même, il faut le rappeler, 50 200 $ pour la version Touring. Ça commence à être un bon petit montant. Ouais, la version de base est à 34 000 cependant. Okay. Toi, mon ami, t'es allé plus dans l'aventure cette semaine. Ouais, moi j'avais la Subaru Legacy. Donc c'est la nouvelle version, la version refaite de la Subaru Legacy. La Legacy, c'est la voiture que mon père conduit depuis quelques années. C'est sa première voiture à traction intégrale, puis vraiment il adore cette voiture-là. Moi j'avais la version sport. Ce qui est vraiment ce qui ressort de la version sport, c'est qu'on a noirci la grille à l'avant. On a quelques petites touches de chrome, là, mais juste le fait de noircir la calandre en avant, ça lui donne un look beaucoup plus presque voiture de police. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça ressemble à une voiture de police que tu conduis cette semaine, mais c'est une Subaru Legacy. Mais ça lui donnait un look un peu spécial. Puis franchement, là, ça serait le genre de look que j'aimerais avoir. Si je m'achetais une Legacy, ça serait exactement ça que je voudrais, quelque chose avec, tu sais, noir, avec la grille noire, des choses comme ça. Je trouvais que ça ressortait, c'était vraiment joli. Ça lui donne un peu de personnalité, effectivement. Ouais, parce qu'il faut le dire, le design du Subaru, c'est un beau, c'est être amélioré. On n'est pas encore tout à fait dans vraiment le spectaculaire. Non, t'sais. C'est ça. C'est joli, mais tu sais, c'est pas l'effet wow, là. Tandis qu'avec la calandre noire, je te dirais, on est un petit peu plus proche de cet effet wow-là qu'on pourrait vouloir. Ça lui donne une allure vraiment un peu plus agressive, un peu plus tough, comme on pourrait dire. À l'intérieur aussi, c'est vraiment amélioré. Ce qui était le côté un peu négatif des Subaru de v'là quelques années, c'était beaucoup de plastique dur, c'était pas vraiment inspiré le design intérieur. C'est vraiment changé, on a beaucoup moins de plastique dur. Les sièges étaient vraiment très très jolis. C'est un siège en tissu avec la cuirette au milieu. Siège chauffant, la seule chose, j'avais pas le volant chauffant dans la version que j'avais. Il n'y a plus de transmission manuelle dans la Legacy pour 2018, c'est seulement une transmission CVT. On simule 7 rapports avec des palettes de changement de vitesse au volant. Côté technologie, j'avoue que c'était pas mes préférés dans le temps. Ça s'est amélioré. Très facile de connecter un téléphone. Toutes les fonctions qu'on pourrait vouloir. Là, il y a Apple CarPlay puis Android Auto également dessus. Mais quoi qu'Android Auto, je l'utilise très très rarement. J'utilise normalement juste le Bluetooth. L'Android Auto, mes dernières expériences n'ont pas été super. Puis ça, c'est pas de la faute d'aucun constructeur. Là, c'est Google qui gère ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'adore, mais côté Bluetooth, c'est très bien. On a même pensé à mettre des ports USB pour les passagers arrière, ce qui est pas nécessairement commun. C'est assez rare, puis en plus, c'est des ports 5 volts. C'est des ports qui sont assez puissants pour charger une tablette, et non pas seulement un téléphone. Un téléphone, on peut s'en sauver avec 2.5 volts. Une tablette, ça prend un peu plus de punch pour charger ça. Donc, on a des ports 5 volts en arrière. J'ai resté surpris parce que souvent on a des ports USB, on est capable de brancher un téléphone, mais charger une tablette, c'est quelque chose d'autre. Là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. À part de ça, ben la version sport a. Moi j'avais le système EyeSight aussi, qui est le système d'aide à la conduite de Subaru, qui est très très performant. C'est un des premiers c'est que j'ai essayé. Oui, ouais, mais c'est un des premiers que j'ai essayé. Dans l'industrie, puis j'avais été impressionné, mais là c'est comme une petite coche au-dessus, on s'améliore toujours. Fait que c'est ouais, très comme bien. Je te dis, il s'est beaucoup amélioré parce que on avait, il faut le dire, un autre principe avant avec une seule caméra derrière le rétroviseur central. Mm-hmm. Et pour être honnête, c'était pas du plus grand effet là. Aussitôt qu'il faisait un peu sombre, aussitôt que le soleil était directement en face de toi, tu perdais tout espoir que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Tandis que là, ça fonctionne très bien. Je l'ai perdu, je pense, deux fois, mais c'était une pluie torrentielle. Là, on peut pas demander au système de travailler quand il pleut. Puis même nous autres, on a de la misère à voir, là, mais le système débarquait. Mais aussitôt que qu'il y avait une éclaircie, puis ça s'améliorait, les conditions s'amélioraient un peu, il rembarquait tout de suite, il n'y avait aucun problème. La version sport a des phares directionnels à DEL, donc les phares vont suivre un peu la route. Donc quand on va tourner, ça va éclairer dans la courbe. C'est pas des phares qui éclairent juste en avant. C'est quelque chose que j'avais vu pour la première fois dans les Volkswagen, là, comme la GTI, des choses comme ça. Puis ça commence à être un peu plus partout dans l'industrie Subaru là. Cette semaine, je suis au volant d'une Jaguar XE, elle a ça aussi. Donc ça commence à faire son chemin. Mais non, c'est parce que je compare avec où j'ai vu ce système là. La Jaguar, je vais en parler plus tard là. Donc c'est ça, puis ils disent là, dans la brochure, ils ont amélioré justement la performance du le régulateur de vitesse adaptatif et des choses comme ça. Donc c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. C'est un véhicule, même si bon, on parle, tu sais, ah oui, on a une CVT, tout ça, c'est pas une voiture dont la CVT m'a achalé, tu sais. On le sait, une CVT, des fois, c'est vraiment plate. Là, on a l'impression que la transmission, c'est pas trop où se mettre, à quelle vitesse faire tourner le moteur. Puis j'ai pas ressenti ça avec cette version-là. Puis même si c'est un petit moteur 4 cylindres de 2.5 litres, il fait 175 chevaux, 174 livres-pieds de couple. C'est une voiture qui est nerveuse. Quand tu veux accélérer, elle accélère. Tu sais, c'est pas hyper puissant, 175 chevaux, mais le moteur répond assez bien, puis la transmission répond assez bien, que ça soit agréable à conduire. Puis c'est une voiture que, tu sais, j'ai passé ma semaine dedans, puis plus je la conduisais, plus je l'aimais, cette voiture-là. Puis c'est une voiture qui m'a laissé un bon sentiment, genre, tu sais, demain matin, si j'avais une berline à m'acheter, elle serait vraiment sur ma liste d'achat. Puis c'est peut-être quelque chose qui est pas sur la liste de la majorité des gens, parce que oui, on voit Subaru, puis on pense à Subaru, mais quand c'est le temps d'aller se magasiner une auto, les gens vont toujours vers, tu sais, les mêmes voitures dans cette catégorie-là. Ils vont aller voir la Accord, ils vont aller voir la Toyota Camry, ils vont aller voir, tu sais, des voitures d'autres constructeurs qu'on voit souvent, la Sonata ou, tu sais, mais ouais. Subaru, mais c'est une bête différente, là. Mais c'est ça, c'est une autre clientèle aussi, là. Ouais, puis faut penser... On a traction intégrale sur tous les modèles sauf la BRZ. Donc, c'est une voiture qui va être sécuritaire en hiver. C'est stable. Pour avoir conduit des Subaru souvent l'hiver, c'est très, très stable le système 4 roues motrices de Subaru. Là. C'est un des bons de l'industrie. Donc, tu sais, c'est une voiture à... Si vous êtes sur le marché, allez la voir, allez l'essayer. Elle a un design qui est quand même beaucoup plus joli. Ça s'améliore tout le temps. L'intérieur est confortable, c'est plus ce que c'était il y a quelques années où c'était beaucoup de plastique dur, comme je disais. C'est beaucoup plus joli à l'intérieur aussi. Différentes couleurs, il y avait comme du beige pour le toit, puis après ça, c'est du gris, du noir, et tout ça, c'était vraiment joli. Puis les prix sont quand même assez compétitifs. Là, si on regarde, là, je m'en vais à la liste de prix. Où c'est que j'avais ça? Okay. Ouais, non, effectivement, on est pas mal dedans. Tiens, ouais. On parle de, tu sais, pour le modèle de base, là, 2.5i, puis là, on regarde, il n'y a plus de transmission manuelle, fait que les prix que je vous donne, c'est tout des transmissions automatiques. Le modèle de base, qui s'appelle juste 2.5i, c'est 24 995. Ça va jusqu'à 38 000, si je me souviens. Ça va jusqu'à 36 795. Puis moi, mon modèle, le modèle sport que j'avais, là, on parle de 31 695. Avec le EyeSight. C'est quand même correct. Dans le prix pour une voiture de ce calibre-là. Puis là, on parle d'une voiture qui a traction intégrale, ce qui est pas nécessairement commun non plus dans ce marché-là. Il n'y en a pas beaucoup des voitures qui ont la traction intégrale. Là, chez Ford, il y a la Fusion qui a traction intégrale, mais à part de ça, il n'y en a pas beaucoup dans cette catégorie-là. Fait que c'est peut-être à regarder si ça vous intéresse. Parce que l'hiver, tu sais, au Québec, ça pourrait être le fun. Ouais, même si on est capable de se débrouiller sans. Oui, mais c'est un petit plus. Je me sens toujours, je me sens en sécurité l'hiver avec dans mon Escape 4 roues motrices. Là, quand il y a une grosse tempête, ça me dérange pas trop. Donc, moi, je te l'ai dit, j'ai déjà eu une Subaru Impreza et mon épouse, qui est pas vraiment brave en hiver, adorait la voiture parce qu'elle disait qu'elle avait ce qu'elle appelait le syndrome de la valise, c'est qu'elle avait tendance à coller un peu trop la valise du gars devant d'elle parce qu'elle partait plus rapidement puis lui était coincé au coin de la rue. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est rassurant un peu, là, mais il ne faut pas non plus être trop zélé, là, mais c'est ça. Donc c'est ça, ça termine nos essais de la semaine. Marc, on va faire une autre petite pause puis on va revenir avec ton essai de la toute nouvelle Hyundai Accent. Alors, nous sommes de retour de la pause et Marc, tu vas maintenant nous parler de ton essai de la toute nouvelle Hyundai Accent, essai qui se passait à Montréal. Oui, et pour une bonne raison, qui m'a vraiment pris par surprise. OK. Est-ce que tu savais, est-ce que tu savais que la Hyundai Accent était la voiture la plus vendue dans la catégorie des sous-compacts depuis 2009? Je ne savais pas, mais ça ne me surprend pas. Bon, ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Deuxième chose que j'ai apprise, il y a deux clientèles particulière qui achète la Hyundai Accent. Okay. Les jeunes de 20 à 30 ans, 35 ans, et les personnes de 55 ans et plus. OK, donc aux extrêmes. En fait, c'est même le groupe de 55 ans et plus qui est la clientèle la plus importante. OK, ouais. Ça m'a un peu étonné, je dois te le dire, mais ça explique pourquoi j'ai pas détesté la voiture non plus. Tu sais, c'est plus proche de mon âge. Ça tombe dans ta démographie. Ouais, c'est un peu une blague, là, mais c'est pas pour ça. Okay. Et l'autre chose qui m'a vraiment impressionné, je dois te le dire, tu sais, mes amis les chiens qui viennent faire un tour... Mm-hmm. Ils veulent savoir de quoi tu penses de l'accent. Exactement. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu savais qu'à peu près 45% des Hyundai Accent sont vendus au Québec? Ouais, ben on est friand des petites autos. Ailleurs au Canada, c'est dans l'Ouest canadien, c'est les pick-up. Nous autres, c'est les petites voitures. Donc, c'est pas surprenant que la majorité des petites voitures se vendent ici. 45% au Québec, dont 30% à Montréal même. OK. Ça m'a surpris. Écoute, ça, c'est un Accent sur trois au Canada qui est vendu dans la ville de Montréal. OK, fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça à Montréal. Oui, puis après ça, si tu continues, là, la deuxième, c'est Toronto, mais évidemment, puisqu'on parle de volume, c'est assez normal. Mm-hmm. La troisième, c'est Québec, la ville de Québec même. Okay. Quatrième, c'est les cantons de l'Est. Et cinquième, c'est Ottawa. Ce sont les cinq marchés les plus importants pour la Hyundai Accent. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on avait présenté en primeur mondiale la nouvelle Accent au Salon de l'Auto de Montréal. Oui. Tu te rappelles? Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on a fait le lancement canadien à Montréal. OK. Parmi les voitures qu'il va y avoir, il y aura bien sûr la Accent berline qu'on connaît. Ça, c'est la première qui va arriver. C'est celle-là que j'ai essayée. Elle arrive au mois de janvier et donc c'est l'auto là qu'on connaît bien. Ouais, c'est joli. Ça ressemble à une Elantra un petit peu plus petite. C'est ça. On l'a complètement remanié. Ouais. Oui, elle ressemble à l'Elantra. Tout comme l'Elantra, elle utilise ce qu'elle appelle la superstructure. Donc vraiment une structure d'acier renforcé. Vraiment plus rigide, 32% de meilleure résistance à la torsion, 52% de présence d'acier haute densité de plus que dans l'ancienne génération. Tu sais, là, on parle vraiment de quelque chose qui est là à la fois pour la sécurité, à la fois pour la rigidité et le dynamisme de conduite. Mm-hmm. Ouais. Donc ça, c'est la structure. Tu l'as dit, esthétiquement, c'est une Elantra un peu plus petite. On a vraiment comme diminué les proportions, mais en même temps, quand on regarde la voiture, on est très conscient que c'est une Hyundai, là, on n'est pas loin de ce qu'on connaît déjà. Est-ce qu'elle est un peu plus grosse que l'ancienne? Il me semble qu'au Salon de Montréal, on avait une entrevue puis il avait dit qu'elle était un petit peu plus grosse que l'ancienne, mais un petit peu plus petite que l'Elantra. Fait qu'elle était comme plus proche de l'Elantra qu'elle est de l'ancienne Accent, en grosseur. Oui, mais tu sais, il y a comme 29 mm de différence sur la longueur hors tout, genre, okay. Puis 17 mm sur la largeur. Okay. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Okay. C'est bon. C'est suffisant aussi pour donner de l'espace à l'intérieur. Et là, je suis obligé de te raconter une anecdote tout à fait personnelle. Comme tu sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai perdu ma taille de jeune fille. Oui, oui, on le remarque, on le remarque tout de suite, oui. C'est ça. Mais je suis heureux de constater que, comme les voitures, en vieillissant, elles prennent de l'embonpoint, et moi aussi. Bon, ceci étant dit, le gars qui était avec moi au moment de l'essai, c'est un caméraman pour l'émission Virage que je fais à Québec sur Télémag, et il est encore plus imposant que moi, je ne le suis. En grandeur aussi, ou... En grandeur, on est à peu près pareil. En largeur, il est plus large que moi. OK. OK. Ouais. Ça donne deux bons monsieur dans une sous-compacte. On s'entend, là? Pas mal. Tu sais, ça fait pas mal de kilos supplémentaires dans la voiture. Jamais, tout au long de la journée, je n'ai eu de problème d'espace. OK. Jamais. Bon, c'est bon. Ça a été vraiment... Écoute, les épaules ne nous touchaient pas, là. OK. On se battait pas pour l'espace central du tout, là. Bon. Vraiment, il y a assez de dégagement pour des gens comme... Même si on est un peu plus gros que le normal, là, on n'a jamais eu de problème de cette nature-là. Ce qui est rare ça, pour une compacte. Pour une compacte. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Ouais. Vraiment, ça m'a marqué. Autre élément qui m'a marqué pas mal, c'est le dynamisme de conduite de la voiture. On va se calmer, là, ça demeure une sous-compacte. Okay? Oh, c'est pas. C'est pas une voiture sport. C'est pas une Porsche, là. Non. Mais à cause de la rigidité du châssis, on le sent vraiment beaucoup. Et vraiment, on est parti de Montréal, on est allé tourner jusqu'au Fort Chambly et on est revenu. Donc, on a parcouru des routes sinueuses en campagne, on s'est promené en ville. Et honnêtement, elle offre un bon petit plaisir de conduite. C'est pas le grand frisson, ouais. Mais c'est suffisant pour donner une petite sensation quand on conduit. OK. C'est évidemment, comme je te l'ai dit, pas le grand frisson, mais ça fait quand même le travail. C'est sûr que quand on arrive, le moteur, c'est un petit moteur 4 cylindres, 1.6 litres, 130 chevaux, le même moteur à injection directe, en fait, qui était là avant, qu'on a un petit peu amélioré, 119 livres pieds de couple, boîte automatique 6 vitesses sur la voiture qu'on a essayé parce que nous, on a essayé la version GLS qui est la plus haut de gamme. C'est certain que sur autoroute, quand tu accélères fort, t'entends forcer le moteur puis t'as l'impression qu'il va souffrir encore quelques minutes. Mais bon, okay. Ça finit par se tasser et quand t'atteins la vitesse de croisière, honnêtement, c'est relativement silencieux et ça fait un bon travail. Okay. Le gros bémol, et là je le dis, quand Hyundai nous a fait la présentation le matin, ils nous ont sorti les éléments les plus positifs que les gens sortaient à propos de la voiture. Bon, la garantie, entre autres, les gens trouvaient qu'il y avait une bonne garantie, bon, ça va. Et parmi les éléments les moins positifs, en tout cas, mettons que la garantie, ça comptait pour plus 15% dans l'achat, moins 15 % c'était la consommation d'essence. OK. Alors, je m'attendais qu'on ait donc modifié ça considérablement avec la nouvelle version. Mm. Je suis obligé de te dire, eux nous disent qu'ils l'ont amélioré de 7 %. Moi, je peux te dire qu'après une journée complète, on a fait 7,3 litres aux 100 km. Ce qui est quand même assez élevé pour une voiture de ce genre-là, à moins que tu l'aies rincé un peu, là, ce que je doute. Pas du tout. Et j'ai parlé avec des collègues qui ont fait 7,4, 7,5, eux autres aussi. Okay. Alors, on n'a pas tous conduit comme des fous, c'est clair. Fait que rien en bas de 7, ce qui est un peu décevant. Oui, moi, j'ai trouvé que ça, c'était la grande déception, effectivement. C'est sûr que les gens de Hyundai nous disent « Écoutez, nous, on conduit la voiture depuis plusieurs semaines. Quand elle est bien rodée, on réussit à avoir 5 ou à peu près. » Tu sais, je suis bien prêt à leur accorder le bénéfice du doute, là. Je veux dire, je suis bon joueur là-dedans. Mais n'empêche que je trouve que ça m'apparaît être une consommation élevée par rapport à ce que la voiture devrait être, en tout cas en termes de format. Ouais, non, c'est loin d'être impressionnant. Moi, je m'attends à 7,5 litres au 100 km d'une Elantra et non pas d'un Accent. Exactement. Alors, tu vois, là, ça, c'est ma grande déception. Mais objectivement, c'est pas mal la seule déception que j'ai eue, par contre. Okay. Pour le reste, comme je te l'ai dit, il y a de l'espace à l'intérieur. C'est sûr qu'en arrière, on s'entend, là, c'est une sous-compacte. T'amèneras pas une famille nombreuse assis en arrière, là. C'est pas fait pour ça. Donc, évidemment, l'évaluation que j'en fais, c'est basé sur sa catégorie, là. Ouais. Tu sais, okay. Elle est aussi offerte, comme c'est le cas souvent chez Hyundai, elle arrive avec beaucoup d'options. Tu sais, bon, par exemple, les versions GL, qui vont être les plus populaires, là, arrivent avec les sièges chauffants, caméra de recul de série sur tous les modèles, tu sais, là, plein de trucs comme ça. La version GLS que nous, on avait, roule sur des pneus de 17 pouces. Normalement, la version GL va plutôt fonctionner sur des pneus de 15 pouces. Je t'avoue que j'aurais été curieux d'essayer avec les 15 pouces pour voir quelle était la qualité de roulement. Mmh, ouais. Mais c'est, jusqu'à date, là, je peux te dire que j'ai rien à reprocher à ce qu'on a fait là. C'est sûr que la GLS a aussi des éléments comme des éléments de sécurité électronique embarqués que les autres n'ont pas. Tu sais, il y a des trucs comme ça. On a aussi ajouté des gadgets genre le haillon. Pas le haillon, mais le haillon, parce qu'il y a une version 5 portes aussi. Hein. Oh, ouais, celle que nous, on a essayé, c'est la berline, mais il y aura une version 5 portes qui, elle, va arriver au mois d'avril. Okay. Ce qui est intéressant dans la série des statistiques, d'une part, c'est qu'elle n'est pas vendue aux États-Unis. Elle sera vendue uniquement au Canada. Okay, la version à haillon. La version à haillon. Okay, ouais. Et autre statistique, c'est 65 % des ventes que la version à haillon au Canada. Donc, okay. Ouais, ça me surprend pas. On aime les voitures hatchback au Canada, là, surtout au Québec. C'est ça. Aux États-Unis, c'est pas les gros vendeurs. Là. Les voitures à haillon, les Américains n'aiment pas vraiment ça. Ils détestent pas nécessairement ce qu'on appelle les station wagons, les familiales. Les petites versions, les petites voitures à haillon, c'est pas les gros vendeurs, comme la Golf et des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que c'est réservé en Amérique uniquement au Canada. Donc, à partir de là, elle va arriver en avril. Et elle, la 5 portes, elle est la seule qui est disponible en version de base, la version L, avec une boîte manuelle. C'est la seule qui est disponible avec la version L. OK. Donc, la version berline vient toujours un petit peu plus équipée. Toujours un petit peu plus équipée. OK. Là, la grande question qui va rester à se poser, c'est combien ça va coûter cette charmante petite bête? Ouais. Parce qu'on n'a pas donné les prix encore. On nous a dit que ce serait vraisemblablement quelques dollars de plus que l'actuelle génération. Bon, on ne peut pas s'éloigner beaucoup du prix, parce que sinon, déjà qu'il y a beaucoup moins cher dans la catégorie en prix de départ, il ne faut pas qu'on s'éloigne trop loin du prix actuel. Non, puis actuellement, la GLS est vendue à près de 20 000 $ mais pas tout à fait, 19 999 genre. Là. Mm-hmm. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on va traverser la barrière psychologique du 20 000? On verra. En tout cas, pour le moment, ça c'est ça. Il va falloir attendre un peu pour avoir cette annonce-là au moment où elle va arriver, donc en janvier prochain. Ouais. On aura plus de détails là-dessus, mais honnêtement, je pense qu'elle a ce qu'il faut pour garder son titre de meilleur vendeur dans sa catégorie. Je pense qu'elle est suffisamment intéressante, vraiment, pour attirer ceux qui aiment ce genre de véhicule-là, des sous-compacts. C'est un bon bon compromis à une compacte, je te dirais. Si tu veux pas, si t'as pas besoin de trop grand, c'est un bon compromis à une compacte, moins dispendieuse. Je te dis, il y a la question de la consommation qu'il va falloir vraiment éclaircir davantage. C'est ce qui m'a le plus déçu de l'ensemble de l'œuvre, mais objectivement, je peux pas dire que c'est un grand défaut. Tu vois, moi, j'étais prêt à lui donner un 8.5 sur 10, et j'aurais été jusqu'à 9 si la consommation avait été à la hauteur de ce que j'attendais. Ouais, mais c'est un peu élevé. Aussi, côté prix, tu sais, c'est pas le genre de voiture que les gens vont se lancer puis normalement s'acheter la version la plus équipée. Donc, la GLS devrait pas être le gros des ventes de ces voitures-là. Probablement la GL, tu sais. C'est la GL, c'est clair. On nous le dit d'ailleurs, c'est la GL qui va être le gros noyau des ventes. Ouais. On le sait déjà. Fait que tu sais pas. C'est sûr que c'est celle-là avec les roues de 15 pouces, avec différents éléments. Il y a aussi, bon, c'est sûr que là, on a un écran multimédia qui est 7 pouces dans les versions les plus élevées, 5 pouces et quelques dans les versions les moins élevées. Tu sais, là, il y a plein de changements comme ça, là, d'une version à l'autre. C'est sûr que nous, la seule qu'on avait pour tester, c'était la GLS. Ouais. Fait que c'est difficile pour moi de te parler des autres, ouais. Mais c'est quand même, là. Honnêtement, au point de vue du roulement, puis ça va être le même pour toutes. J'ai vraiment rien à redire sur cette voiture-là. Est-ce qu'on a siège avant et arrière chauffant dans la GLS? Non, c'est seulement siège avant. Seulement avant. Par contre, t'as le volant chauffant. OK, le volant chauffant, siège avant. Dans la GLS. OK, c'est bon. Ouais. C'est quand même bien. OK, super. Ouais. Donc, c'est bon, on va terminer là-dessus, puis on va revenir avec le dernier bloc de l'émission. Ça va être notre bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est le dernier bloc pour cette semaine. Le bloc nouvelle, qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, ben j'ai pas mal de nouvelles. Excusez, j'ai un chat dans la gorge, j'ai une grippe. On commence une grippe tous les deux, mon cher. Ben oui, un chat dans la gorge, puis deux chiens dans l'autre pièce, ça va être beau tout à l'heure. C'est ça, mais on ne s'est pas rencontrés, on va préciser tout de suite. J'ai rien à voir avec ta grippe et t'as rien à voir avec la mienne. Exactement, on peut pas se partager ça. Non, moi c'est ma piscine, parce que j'ai fait un coup de sang dessin, j'ai laissé geler ma piscine et j'ai été obligé de la dégeler pendant quelques heures en après-midi cette semaine. Et tu sais-tu quoi, Luc? Ouais. Elle a fondu aujourd'hui. Bon, fait que si t'avais attendu un petit peu. C'est ça. En tout cas, bref, ceci étant dit, il y a beaucoup de nouvelles quand même cette semaine dans l'actualité. General Motors qui a publié aujourd'hui même d'ailleurs un dessin d'un petit utilitaire sport. OK. Tu vas me dire, ouais, mais encore? Un de plus. Mais encore. Ouais, la différence, c'est qu'il est basé sur la Chevrolet Bolt. Ah. Version 100% électrique. Oui, monsieur. Okay. Version 100% électrique. Bien sûr, c'est pas encore. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Ce serait probablement une version Buick, selon les rumeurs. On sait que GM va avoir 9 nouveaux modèles 100% électriques au cours des 2 prochaines années. Mm-hmm. Donc, ça fait partie des mystères de la vie qui s'en viennent. Ouais. Mais c'est donc ça, ça en est une version. Et je trouve ça quand même intéressant parce que, comme tu le sais, c'est très... Mais c'est à la mode, là, les VUS, c'est à la mode. Les voitures électriques commencent à prendre leur place dans la tête c'est du ça. Public. Puis, faut se le dire, là, présentement, GM a une des meilleures technologies pour la voiture électrique, pour l'autonomie, ces choses-là. Il serait un peu nono de ne pas en profiter. Puis de rentabiliser. C'est la seule technologie efficace. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, puis de rentabiliser cette technologie-là en la mettant dans d'autres véhicules. On serait nono de ne pas le faire. Là. Fait que c'est une question de temps. C'est écrit dans la boule de cristal. Là. Est-ce que tu sais il y a combien de voitures électriques et plug-in qui roulent actuellement au Canada? Au Québec, je sais que c'est entre 6 et 7 000, ou peut-être, on est peut-être rendu à 8. Au Canada, si mettons, j'ai un chiffre facile de 30, je suis-tu proche? 42 942. OK. C'est pas beaucoup si on prend la population de voitures au complet, mais c'est quand même pas pire. Écoute, il y a à peu près là 30 millions de voitures au Canada. Ouais. Canada. Fait qu'on est vraiment pas bon, juste pour ton information, jusqu'à maintenant en 2017, je trouve ça quand même intéressant comme chiffre. C'est la Chevrolet Volt qui est la plus populaire. C'est sûr, c'est la plus sécurisante pour les acheteurs. 3400 unités vendues. Ouais. La Bolt est surprenante en arrière avec 1600. OK. Quand même. Mm-hmm. C'est énorme parce que après ça, ben, t'as les deux Tesla, la Model S et la Model X, ouais. qui sont là à 1200 chacun ou à peu près. Mm-hmm. Ce qui est quand même surprenant. Et pourquoi je te parle de ça? Après ça, t'as 935 pour la Nissan Leaf. Okay. Ce qui est quand même correct. Là, comme je te dis, on n'est pas dans les grands chiffres encore une fois. Mais là, on parle à la fois des plugins hybrides et de tout. Tu as des voitures comme... Et ça, c'est celle qui m'étonne. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est la Ford C-Max. Oui. Elle a vendu 631 unités cette année. OK, mais c'est une voiture que Ford est en train de sortir. Ben, ils ont annoncé justement cette semaine que c'était terminé. Oui. Ouais. Il n'y aura plus de C-Max. Donc, si vous avez envie de vous acheter un petit véhicule intéressant qui est branchable pour un bout de temps en mode électrique, ouais, ben, allez voir la C-Max. 631 unités vendues, 1700 jusqu'à maintenant au Canada, c'est quand même pas trop vilain. Ouais. Donc, comme on le voit, les données sont en hausse. Oui, bien sûr, ça progresse énormément d'une année à l'autre. Tu vois, l'année passée, au total, la Volt avait vendu 3400 au total de l'année. Et là, jusqu'en septembre, on en avait 3400 de vendus. Donc, en moins de temps, on a vendu le même nombre de voitures que l'année passée. Exactement. Ce qui donc, est bien, c'est quand même... Tu sais, la Volt, comme j'ai dit, c'est la voiture la plus sécurisante. C'est vraiment la voiture que tu peux acheter. Tu vas faire une centaine de kilomètres. Avec la nouvelle, tu peux faire une centaine de kilomètres en mode tout électrique. Puis après ça, tu as ton essence. C'est ça. Tu peux facilement faire Montréal-Québec avec une Volt. Puis tu te casses pas la tête pour la brancher, tu t'arrêtes de mettre de l'essence quand tu as besoin, puis tu continues ton chemin. C'est sécurisant. Ça enlève l'espèce de peur de pas avoir assez d'autonomie. Puis il faut se le dire, c'est une très, très bonne voiture, la Volt, là. Oui, oui, clairement. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que finalement, les voitures électriques, ça constitue 0,81% des ventes en 2017 au Canada. Oui, c'est pas beaucoup, mais... Non. On n'est pas encore dans la folie furieuse. Non, mais si les gens étaient capables d'en avoir, ça aiderait peut-être. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens... On ne montrait pas ça à 2%, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur des listes d'attente pour des Hyundai Ioniq, pour des Chevrolet Bolt. Ils n'en rentrent pas chez les concessionnaires. Ouais, ben moi, je te dirais que ça augmenterait peut-être les ventes de 300-400. Bon, oui, mais quand même, c'est un problème. Demain matin, tu veux t'acheter, je sais pas moi, une Ford Focus à essence... T'as aucun problème à en trouver une. Une Hyundai Elantra, t'as aucun problème à en trouver une. Essaye de t'acheter une Ioniq si t'en veux une. Même si tu vas payer cash, il n'y en a pas dans les concessionnaires. Non, je sais. Faut que t'accommandes, faut que t'attendes. Il y a des gens qui se découragent. Il y a des gens qui font juste attendre patiemment. Ça va prendre six mois. Attends, il va en avoir plein de lousses, là. Ouais. Parce que aux États-Unis, ils ont commencé à discuter d'abolir l'aide financière pour l'achat des véhicules électriques. On va en avoir plus. Finalement, ici, ils ont décidé de le garder, le 7500$ au fédéral. Okay. Pour le moment, ils le conservent, mais ils ont commencé à parler de l'éliminer. Et il est toujours conditionnel au fait que quand on aura vendu 200 000 véhicules électriques, on va le couper de moitié. Ouais. Ouais. Et aux États-Unis, 200 000 véhicules électriques, ça sera comme pas trop long, là. Ça peut se faire la semaine prochaine parce que la population est beaucoup plus élevée, puis ils ont plus de choix que nous autres aussi. Exactement. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques qui vont être disponibles parce que sans aide financière, tu rajoutes 5500$ aux véhicules aux États-Unis. Je suis pas convaincu que les gens vont se garocher tant que ça. Non, ça serait peut-être le temps que le gouvernement du Canada fasse un petit quelque chose, par exemple, parce qu'on a vu le ministre venir se péter bretelles au salon de l'auto électrique à Montréal, puis blablabla, mais à date, je vois pas grand-chose de fait du gouvernement canadien. Hein. Mais bon, on va espérer parce que la semaine prochaine, il y a justement le salon de la voiture électrique à Saint-Hyacinthe. Ah, OK. D'ailleurs, le vendredi, où je serai, je prononce même une conférence. OK. En compagnie de Daniel Breton. Ben oui. Oui, croyez-le ou non. Mais c'est ça. Alors, c'est au nouveau Centre des congrès à Saint-Hyacinthe. C'est super intéressant. Ça ouvre le 24 novembre. Sur l'heure du midi, c'est la dame, son nom m'échappe, la dame d'Hydro-Québec là, qui s'occupe des trucs électriques. OK, du circuit électrique. C'est elle qui vient faire la conférence d'ouverture. Okay. Alors, ça risque d'être fort intéressant. C'est toute la fin de semaine. Donc, si vous passez dans le coin de Saint-Hyacinthe, c'est sur le bord de l'autoroute 20, venez au salon des voitures électriques, ce sera intéressant. Ceci étant dit, on va revenir à deux nouvelles qui ne sont pas des voitures électriques. Mm-hmm. J'aurais dû devenir pape. C'est pas nécessairement facile, puis pas sûr que tu... Non, mais il vient d'avoir un petit cadeau. Mm-hmm. Il vient de recevoir une Huracan de Lamborghini. Ah, OK. Ouais, OK. Totalement blanche. OK. Ce serait fun de voir le pape conduire ça, par exemple. Spécifiquement pour le pape. Mm-hmm. Vraiment, c'est complètement fou. Sauf que M. le pape a dit « Je suis très content, on va la vendre et je vais garder ma pape mobile. » OK. Je sais pas comment Lamborghini a pris ça, mais... Ben, en fait, l'ancien pape avait reçu une LaFerrari. OK. Et il avait aussi vendu la dite voiture. Alors, c'est habituel, je te dirais, là, dans le format des papes, de recevoir des... Parce qu'évidemment, les super voitures italiennes font partie des traditions. Mm-hmm. Et c'est ça. Alors, ils la vendent. Et ça permet de donner ça à des œuvres de charité. Je me demande comment ça peut valoir une Lamborghini faite custom pour le pape. Ben, écoute, la Ferrari qu'on avait offert au pape s'est vendue pour 7 millions de dollars. Qui c'est de base, c'est quoi, 1,5? C'est 1,5. Fait que, ouais, c'est un beau petit profit. Une Huracan, ça vaut moins cher que ça de base, hein? Ça vaut moins cher, mais bon, c'est ça. Celle-là, une Huracan papale, ouais. Ça doit valoir une couple de pièces. Ça doit valoir une couple de pièces. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Ouais. Elle va être vendue le 12 mai 2018. Au lieu d'un porte-gobelet, que c'est un porte-au-bénite? Je sais pas, au milieu? Je l'ai pas essayé, celle-là. OK. Malheureusement. Okay. Revenons à nos moutons, à des choses plus sérieuses. Une dernière petite nouvelle en terminant, d'ailleurs. Mazda, qui va profiter du salon de l'auto de la... Ben, je dis une dernière, je sais pas. C'est toi qui le... Oui, ça peut être une dernière. C'est bon. Il y a Mazda qui va présenter, lors du salon de l'auto de Los Angeles dans quelques semaines, la nouvelle Mazda 6. Une voiture qui a été remaniée un peu... Physiquement, elle a pas un si gros changement que ça. La partie avant a été améliorée, la grille avant est beaucoup plus belle qu'avant. Il y a plus de lamelles latérales là. On est vraiment dans une grille à mèche, si tu veux. C'est vraiment joli. Okay. Et la grande nouveauté, en fait, bon, à l'intérieur, on a vraiment joué la carte. On va chercher du bois artisanal, du vrai bois artisanal qui sert souvent à construire des meubles historiques au Japon. Tu sais, on est vraiment là dans la totale. Et il y aura un moteur turbo sous le capot. OK. Le fameux nouveau moteur de Mazda. Là, qu'on a dans le CX-9, là, j'imagine? Oui, exactement. Okay. C'est le même moteur qui s'en va dans la nouvelle Mazda 6. Mmh. Évidemment, il va falloir attendre au 29 novembre pour avoir plus de détails, mais je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour les amateurs de Mazda. Oui, parce que ça pourrait faire une voiture quand même assez dynamique. On met un moteur qui est quand même assez puissant pour traîner la carcasse d'un CX-9. Tu mets ça c'est dans ça. Une Mazda 6, ça pourrait être bien. Ça peut être assez surprenant, effectivement. Dynamique, mettons. Mais ouais, genre. Ah, puis en parlant justement de Mazda, c'est pas ça à la table. Juste, est-ce qu'on a des nouvelles pour le CX-5 diesel? Est-ce que ça arrive ou sais-tu, t'en as-tu entendu parler? Est-ce que t'entends les criquets? OK. On est-tu en train de revivre le même la c'est même chose de la Mazda 6 que j'avais essayé avec le diesel et que. Ouais. On nous dit que non. Okay. On nous dit qu'elle va arriver bientôt, mais bon, on l'a pas encore et tu peux pas encore le commander, je te dirais. Là. OK. Donc, peut-être qu'on va revivre exactement la même chose avec le diesel. Mais bon, regarde, on va. Souhaitons que non, là. Non, ça serait bien parce que à un moment donné, à la troisième fois, le monde ne les croiront plus, mais c'est bon, on verra. C'était juste une question comme ça, on parlait de Mazda, puis ça m'est venu en tête. Il me semble qu'il avait annoncé un CX-5 diesel, ça s'en vient-tu. C'était pas pour les planter ou rien, là. C'était juste parce que je me demandais. C'était supposé être cet automne. Hein. OK. Ben, on est encore à l'automne pour... Ouais, encore un mois. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a le temps. À moins qu'il nous fasse la surprise d'arriver avec ça au salon de Los Angeles. Ah. Ben, on l'a déjà vu, il existe là. Bon, ouais. Ben, faudrait vraiment qu'il décide de l'amener chez les concessionnaires. Ben, peut-être sortir un prix, une date de sortie. Peut-être. Deux choses. La Mazda 6, puis voici le CX-5 diesel disponible à partir de telle date chez vos concessionnaires. Voilà. Pif paf. C'est fait. OK. Ça me surprend que tu n'aies pas parlé de Tesla, que tout le monde commence. Que certaines personnes commencent à se demander si Tesla va passer à travers les prochaines années, parce que ça va pas super bien. Encore une perte cette année. La bourse qui commence à se dire que peut-être qu'avoir Tesla, c'est pas nécessairement bon parce que financer des paniers percés, c'est nécessairement ce qu'ils font. J'aurais pensé que tu en aurais parlé. C'est parce que je le dis depuis des mois. Oh oui. Que je répète la même chose. Effectivement, la plus grosse perte de l'histoire. Ils ont congédié du monde qui était pas content. Ils ont annulé. Moi, la partie qui m'inquiète le plus chez Tesla, en fait, là, c'est qu'ils ont annulé la commande pour les matériaux pour la deuxième ligne de montage de la Tesla Model 3. Ouais. Ça, c'est épouvantable. Et là, les mordus, les fans de Tesla disent, oui, mais regardez, ça va bien aller. La preuve, c'est que là, le 24 novembre, là, je sais pas trop quand, là, mm-hmm. ils vont présenter leur camion électrique. C'est, hey, pas, c'est pas vendredi, il me semble que c'est le 17, c'est pas vendredi prochain. Je sais plus, là. Ouais. J'ai aucune idée. L'idée, de toute façon, c'est que c'est strictement de l'esbrouffe. C'est pour détourner l'attention du monde, parce que, soyons sérieux, la raison pour laquelle ils sont pas capables de faire des Model 3, c'est qu'ils sont même pas capables de fournir à leur propre production. S'ils rajoutent en plus un camion, regarde, oublie ça, là, je veux dire, cette compagnie-là s'en va vers la faillite, clairement. Alors, va falloir qu'il se passe quelque chose, va falloir que ça bouge un peu quelque part, de façon réaliste. Va falloir qu'il y ait vraiment des voitures qui roulent, même si, écoute, ils ont vendu 25 000 voitures au dernier trimestre, et malgré ça, ils ont perdu 619 millions US. Ouais, ouais, ça... Et 25 000 voitures, là, c'est le record de tous les temps, là. Ouais, c'est difficile. Ça, ça veut dire que t'es pas capable de rentabiliser tes opérations, là. Ouais, ben Elon Musk a avoué que construire des voitures en production, c'était plus compliqué qu'il pensait. C'était un plus gros challenge qu'il pensait que ça serait. Fait qu'il avoue que peut-être c'est pas que ça va être un échec, mais ça va peut-être être plus difficile qu'il pensait. Tu sais, le lancement du camion, c'est ce soir. On enregistre jeudi. C'est ce soir à 8h Pacifique, 11h heure de l'Est. Donc, les gens qui vont écouter l'émission vendredi à sa sortie, ben, vous allez pouvoir voir le camion de Tesla. Ça va déjà avoir été présenté. Là, c'est ce soir à 8h Pacifique. On vous envie tellement. Ouais, de pas savoir que ça sort ce soir. Écoute. Mais c'est drôle parce que l'article... Ça va être un autre prototype. Ouais. Ouais. Qui va un jour voir le jour. Ben, on ne sait pas quand. C'est un article de The Verge qui dit « Est-ce que le monde a vraiment besoin d'un camion Tesla? » On ne sait pas. Mais... Ben, tu sais, en fait, la question, c'est Tesla a été et est toujours une machine de marketing absolument incroyable. Bon, oui, ouais, ils savent comment vendre un produit puis comment présenter un produit. S'il était aussi fort en automobile, ça serait génial. Ouais, c'est ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Là. C'est un petit peu plus long qu'on aurait dû. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Écoute, sur mon blog, marcbouchard.ca, vous avez là, entre autres, l'essai justement de la Hyundai Accent avec quelques photos que j'ai prises au Fort Chambly, incluant des photos de la 5 portes, je dois le dire. Il y en avait une sur place, même si on ne pouvait pas la conduire. Ils peuvent aussi me rejoindre par Facebook, ma page Facebook que je vous invite à fréquenter régulièrement parce qu'il y a pas mal de photos. Et sinon sur Twitter à Marc souligné Bouchard ou sur Instagram à Bouchard souligné Marc. Il faudrait que tu te branches, hein, souligné avant ou ton nom avant. Ouais, c'est parce qu'il y avait quelqu'un, qui l'avait déjà pris. Ah mon Dieu, quel sacrilège. Fait que, j'ai pas pu le changer, je suis désolé. Ok, c'est bon. Moi sur Twitter c'est AskAlazormo. Je gère aussi les comptes Facebook et ben Facebook. Mac peut aussi écrire dessus, mais le compte Facebook et la page Facebook et le compte Twitter, ce qui est les deux, ça roule radio. Et vous pouvez nous écouter soit à travers iTunes ou soit à travers Google Play. Puis on est aussi présent sur des radios web, Radio H2O, sur sportradio.ca et sur Radio Média Plus. Si ça vous tente de nous écouter là, allez voir leur site, vous allez voir les heures de diffusion. Là, on est là pas mal partout au courant de la semaine. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission cette semaine avec moi et on espère vraiment beaucoup qu'on n'aura pas de problème pour se parler la semaine prochaine. Passe une bonne semaine, mon cher Marc, puis j'espère que la grippe ne te frappera pas trop fort. Ouais, toi aussi, puis on se reparle, c'est sûr, la semaine prochaine. Super. Donc, bon week-end tout le monde, puis on se reparle la semaine prochaine.